Ce panneau à fond bleu m'informe que je circule sur autoroute. Sans indication particulière, les vitesses maximales autorisées sur autoroute sont fixées à 130 km/h par temps sec, 110 km/h par temps de pluie ou sur chaussée mouillée. Ici, le temps est clément. La vitesse est limitée à 130 km/h. Réponse D.